Ça arrive en toutou, hey. C'est pas venu pour tchatcher, hey. Elle t'appelle mon chouchou, hey. Toi et elle ça a matché, hey. Des gaines de voyous, hey. Bijoux panthère quartier, hey. Moi j'sors en DP, hey. J'sors pas en Versace, hey. Là j'suis cramé, j'reste chez moi, hey. Sinon j'fais que bandité, hey. Un peu de moule à coller, hey. Sur la carte d'identité, hey. Moi c'est l'avenir, j'suis venu faire des dégâts. Pendant que sur moi ils font des débats. Le jour de mon happy day, ils sont pas là pour moi, ils sont là pour la gratuité. Je marche pas avec des cuirs en or, j'ai pas d'autres martigués. J'ai rêvé que mis à mort, elle m'avait quitté. Je mets des gasolina avec ma Georgina. Jules, ils s'en foutent de toi, regarde sur ses CD l'or qu'il a. Ce que tu fais pour ils oublient, je te jure c'est réel. Tout le monde veut une place dans l'équipe, on dirait je joue au Real. C'est trop pris d'ampleur, je peux plus zoner dans les rues. J'en joue des rôles, on se croirait au théâtre. J'sais pas t'as l'air ému. Avant c'était sur ma mère, il est nul. Un petit folle. Et le pire c'est qu'aujourd'hui tu nies. J'préfère t'entourer, j'préfère avoir un vrai frère et mille ennemis. J'ai pas répondu à leurs propositions, pourtant j'ai eu mille invites. À cause de tout, c'est con, le cœur est balafré à vif. Y'en a plein qui m'avaient dit je t'aime mon frère, je fais à fond pour toi. Y'en a plein qui m'avaient dit je te lâche pas d'épée à vie. Mais ils sont où maintenant, ça y est, ils ont refait leur vie. C'est quoi, ils voulaient juste des vues, ouais, ils voulaient juste des sous. Mais je sais trop remercier le bon Dieu, quand j'y pense lui il m'en dessine. Moi c'est l'avenir, j'suis venu faire des dégâts. Pendant que sur moi ils font des débats. Moi j'ai l'air